Ciała, système nerveux central. Ce que vous aurez, que vous verrez sur les planches, vous l'aurez en polycom. Ce qui n'est pas indiqué sur les planches, vous le notez. Il y a des choses à apprendre, des choses à comprendre. Et entre les deux, il y a l'examen. C'est entre apprendre et comprendre. Yahweh, on ne peut pas tout apprendre. Par contre, on peut tout comprendre. L'éducation du système nerveux, premier chapitre, c'est le traitement de l'épilepsie. L'épilepsie, donc, en introduction, je dirais que c'est une pathologie qui pose beaucoup de problèmes et qui vous posera toujours des gros problèmes, non seulement dans le cadre du diagnostic, mais également dans la prise en charge. Pourquoi ? Parce que généralement, souvent, dans un pays comme le nôtre, c'est dans les pays, pour ne pas être méchant, en voie de développement, on ne peut pas dire plus des mots. Hein ? La l'épilepsie chez nous, est une, dans tous les pays, est une pathologie surnaturelle. Elle est considérée comme une pathologie D'accord, elle est. Pourquoi ? Parce que généralement, quand il y a une personne qui est épileptique, le terme le plus simple, on se coule. Ça, c'est à 90%. À 90%, dans les 90%, les gens suivent mal. C'est-à-dire du moment où ils pensent que c'est une pathologie qui ne doit pas être prise en charge par des médecins, elle est prise en charge par Paul. Voilà. Avec le rectiblo. Entre-temps, pour passer du diagnostic où il faut un problème de cervical, il y aura du temps. Et temps s'écrit avec S. D'abord, il y aura beaucoup d'années qui seraient passées. Et de surplus, chaque crise d'épilepsie entraîne une destruction de cellules cérébrales. Et les cellules cérébrales sont non régénérables. Conclusion, on trouve beaucoup d'épileptiques, quand ils sont mal pris en charge, ils sont à la limite de la débilité. Ils sont de la débilité. Un retardé mental. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts sur le plan cérébral. Et à 90% toujours, les épileptiques poursuivent très mal leur scolarité. Ils n'arrivent pas à terminer leur scolarité de par les deux éléments. Vous allez voir, le premier élément, c'est la pathologie. Qu'est-ce qu'une pathologie qui est très lourde et que c'est une pathologie chronique qui n'est pas une pathologie qui a un objectif curatif, mais beaucoup plus préventif, c'est un traitement symptomatique. Rare, on peut traiter les causes et vous allez voir également le pourquoi dans le cours. Donc, ce cours que je vous demande de retenir essentiellement, l'objectif de ce cours, l'objectif de tous les médicaments du système nerveux central comme médicaments du système nerveux autonome, là on est en train de cibler, on ne parle pas donc de généralité, c'est de voir à peu près, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais par contre je vais faire une assise qui sera, Inch'Allah pour vous, l'année prochaine, dans le module de neuro, donc un élément fondamental, parce que là on va vous parler d'épilepsie, en long, en large, en transverse, et là donc moi j'essaie plutôt de vous mettre une assise sur le plan de mécanisme, voilà, et comment les médicaments interviennent pour corriger. D'accord ? Corriger, pas traiter. Et de ce fait, vous êtes censé savoir quelle est la physiopathe, comment le médicament intervient, mais le médicament a des effets secondaires. Et quels sont donc ces effets secondaires de par leur classe. Et vous allez voir qu'on va faire établir une classification au fur et à mesure, on va retenir les grandes notions. Pour cela, il y a une donnée épidémiologique qui est très importante, qui est très particulière pour la maladie épileptique, pour la pathologie épileptique. Généralement, quand on prend des pathologies, elles ont un seul mode. La répartition se fait en un seul mode. Quand vous prenez, selon les critères, si vous prenez Le cancer du sein, chez la femme, c'est beaucoup plus adulte qu'enfant. D'accord ? Si vous prenez le diabète chez l'enfant, c'est type 1 chez l'enfant, type 2 chez l'adulte. D'accord ? Quand on prend des atteintes pulmonaires, également, c'est beaucoup plus adulte, mais si on prend l'asthme allergique, c'est l'enfant, etc. Là, la répartition de l'épilepsie, elle est dite, si vous voulez, elle est dite bimodale. Il y a deux modes. Voilà ce qu'on appelle, c'est pas bon, la courbe de Gauss, mais il y a deux courbes de Gauss réparties. On la trouve chez les enfants de moins de 5 ans, et elle peut apparaître brutalement chez les sujets âgés à partir de l'âge de 5 ans. On reprend des raisons également sur le plan d'étiologie. Quant au diagnostic, pourquoi c'est difficile ? Parce que vous allez voir également qu'environ un peu moins des deux tiers d'épilepsie, sur le plan de diagnostic, c'est difficile et vous ne pouvez pas parce qu'elle a des origines idiopathiques. Et que pour vraiment cibler et dire que c'est le bon traitement, eh ben, il faut passer du temps à faire du tâtonnement. Et donc, l'objectif n'est pas toujours atteint dès le premier traitement. Voilà les grandes notions que vous êtes censés, retenir. Vous allez voir qu'on va passer rapidement sur certaines planches, mais tout ce qui est indiqué, vous l'aurez. Les choses ou les éléments sur lesquels on va assister, ben, vous les noterez au fur et à mesure. Du coup, on va prendre deux parties, une partie de notions. Je vais passer rapidement parce que c'est une, vous les verrez plus en détail en neurologie, mais je vais insister beaucoup plus sur ça, l'étiologie, la physiopathe, pour comprendre carrément la thérapie ou l'utilisation des médicaments anti-épileptiques. Chaque fois, vous verrez AE, anti-épileptique. Si vous verrez parfois MAE, c'est médicaments anti-épileptiques. Tout simplement, c'est des abréviations. C'est quoi l'épilepsie ? Généralement, vous avez toujours donc la notion d'épilepsie, sauf que je me suis toujours posé la question, auquel j'ai pas pris de réponse. Donc vous avez donné une réponse. Généralement, quand un sujet fait une crise d'épilepsie, je suis dit lolo. Puisque c'est un. C'est un vital, puisque. Voilà, c'est bien. Pour que le cerveau se concentre. Décharge. Alors que déjà lui, il est inconscient. Alors comment il va se concentrer ? Métal. Qu'est-ce qu'il va faire le métal ? Décharge. Il va absorber les décharges. Oui. D'accord, alors le chiffre va tomber. Voilà le rouge à la câble électrique française et décharge neutralisée. Câble électrique. Câble électrique. Câble électrique. Et ça marche par été ? Oui, ça marche. Hein ? Effet immédiat. Effet immédiat. Oui. Vous savez très bien que l'épilepsie, c'est quoi l'épilepsie ? Ce sont des décharges. Précoce. D'accord ? Mais pour décharger, il ne décharge rien du tout. Rien à décharger. D'accord ? Sauf si vous avez une batterie. Les crises ont une périodicité, ils ont une intensité et ils disparaissent. On se met d'accord sur ça, Marie. Par contre, si vous voulez utiliser les tartes, oui, là, voilà. C'est pas que pour le physio. Quel est le seul risque de quelqu'un qui fait des crises ? Vous avez vu une ? Oui. Oui, quel est le risque ? Les glitches. Il peut avoir un retour de langue, tout ça. La clé, vous pouvez la mettre en ses dents parce qu'il peut soit la couper. Et moi, vous pouvez la couper sa dent. Ouais. Soit prendre retour dedans, vous pouvez faire une obstruction. Là, oui, un pied joue un rôle. Parce que vous ne pouvez pas mettre votre main parce qu'elle est occupée. Justement, vous êtes arrivé, peut jouer un rôle, mais pas trop, mais dans un autre lieu. Monsieur, on peut la récupérer, hein? Stop. La langue. La langue? Oui. Oui. Non, c'est sûr que ça peut entraîner une obstruction et un étouffement. Surtout s'il est dehors. Donc la meilleure façon, c'est d'éviter ces retours et ou là de se couper, parce que ce sont des crises qui peuvent aboutir carrément à un danger, carrément, un danger qui peut être irréversible. Le fait de mettre quelque chose de dur dans la bouche peut éviter un certain nombre d'accidents. Pour éviter donc les éléments, c'est une pathologie, vous allez voir qu'il n'est pas facile à diagnostiquer et la mise en œuvre thérapeutique également pose des problèmes. C'est une maladie neurologique qui est chronique. Donc c'est pas quelque chose qui peut, donc, même si les crises sont aiguës, c'est une pathologie qui dure et chronique. Elle peut survenir à n'importe quelle période de l'âge. Pour ça j'ai dit qu'elle était bimodale. Et elle est imprévisible. Souvent, elle marche. Et ce qui est le plus dangereux, vous allez voir, ce ne sont pas des crises généralisées, ce sont les absences. Surtout chez les enfants. Les absences, souvent, chez les enfants, sont considérées comme étant, on dit, l'enfant est distrait, il tire. Il est là, et puis d'un seul coup, il décolle. C'est presque une forme d'humiliation, mais il n'est pas. Il n'est pas, il y a une perte de conscience temporaire, mais qui est synonyme de crise généralisée. Les absences sont des crises généralisées asymptomatiques, sans signe clinique. On les voit souvent beaucoup plus chez les enfants que chez l'adulte, mais elles sont là, l'enfant il est en train de jouer, de regarder la télé, de discuter avec vous, il est à table, en train de manger, et d'un seul coup, il y a une rupture qui peut durer quelques secondes. D'accord ? Et qui sont carrément dangereuses et aussi dangereuses parce que souvent, pour les diagnostiquer, les parents mettent du temps. Et même en classe, c'est un enfant qui ne se concentre pas. Or, ce sont des périodes d'absence. Cette maladie provoque une altération transitoire du comportement qui sont dues à des décharges électriques très excessives, soudaines, brèves, d'une population neuronale, soit c'est une population neuronale très large, on parlera de crise généralisée, soit ce sont une population neuronale localisée, on parlera de crise épileptique partielle. Donc c'est pour ça qu'on parle de générale ou partielle. Elles sont caractérisées par des crises brutales, brèves, qui entraînent une altération de la conscience, perte de la conscience, une activité intense, motricité, c'est les tremblements, d'accord ? Des phénomènes sensoriels et un comportement parfois inadapté, vous allez voir, c'est carrément des cyanorrhées, la personne peut uriner, d'accord ? Et que c'est des troubles neuro-végétatifs autres que les troubles centraux. C'est l'autisme ? Pardon ? Non, c'est pas l'autisme. L'absence, ce sont des crises généralisées, c'est les mêmes décharges, sauf que cliniquement, il n'y a rien. Il n'y a aucune chaleur. Ce n'est pas du tremblement, ce n'est pas de truc. C'est là. Mais les dégâts engendrés sont aussi importants que les crises généralisées. Et c'est pour cela qu'on les classe en crise généralisée. Je ne vais pas rentrer. Ça, c'est également un peu une assise du cours. Je ne vous demanderai jamais de me réciter ça, ni d'apprendre, parce que vous aurez l'occasion de voir au moment là. C'est des crises tonico-cloniques, myocloniques, toniques, atoniques carrément, sinon des absences. Généralement, tout ce qu'il y a avant, certains les définissent par le grand mal épileptique, et l'absence est appelée le petit mal épileptique. Il y a également des crises partielles. Ce sont des crises partielles simples qui se manifestent par des crises neurovégétatives. Parfois, c'est carrément des troubles auxquels on ne prête pas attention. C'est des douleurs abdominales, des diarrhées, d'accord ? Des petits tremblements et qui disparaissent. Soit des crises partielles qui sont très complexes parce qu'ils sont à la limite entre les crises généralisées et les crises partielles. Mais il faudrait faire attention à faire un diagnostic différentiel. Là, ça va être difficile, surtout chez les enfants gâteux. D'accord ? Vous savez ce que c'est un enfant gâteux ? Oui. Hein ? Le modèle. Voilà. Et, hein ? Pourri gâté. Merci. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Beaucoup d'enfants gâtés, quand on leur refuse de leur donner quelque chose, il fait sa petite crise, un peu d'hystérie. Et parfois, il y a des phénomènes qui se déclenchent, des formes de crises d'épilepsie, qu'on appelle des spasmes épileptiques. Donc il faut faire la différence, et ça c'est le seul l'EEG peut vous donner la différence entre le grand mal, le petit mal et le spasme épileptique. Et souvent, certains traitent des spasmes épileptiques avec des antiépileptiques, chose qu'il ne faudrait pas faire. Donc, c'est une classification qui est à part. L'étiologie, il y a une étiologie qui est symptomatique, on peut classer, qui a différentes origines, et vous allez voir à peu près la notion de bimodale. Il y a une étiologie qui est phytogénique, c'est-à-dire où la cause est suspectée, mais on n'arrive pas à faire la relation cause-effet. Et mais malheureusement, vous avez une cause qui est idiopathique. Et voilà le schéma de l'OMS qui vous donne que 66% des crises d'épilepsie sont idiopathiques. 66%. Et si on prend le reste, eh ben, vous avez une origine vasculaire. Sans cause. Vous avez une origine congénitale, traumatique, tumeur, dégénérescence, infection. Si on prend cette classification, vous allez voir et comprendre comment, pourquoi elle est bimodale. Généralement vasculaire, adulte ou pas. Adulte, beaucoup plus. Congénitale, beaucoup plus enfant. Trauma, les deux, mais beaucoup plus l'adulte. Les deux, valable. Tumeur, l'adulte, dégénérescence, adulte, infection, beaucoup plus enfant que. Parce qu'on voit beaucoup plus les enfants convulsés suite à une infection que les. C'est urgent. Et on constate beaucoup plus avec une simple infection, même suite à des vaccins, suite à une poussée dentaire chez les enfants. Et bien souvent, quand certains enfants, quand on dit 39,5, 39,7, ils convulsent. Ça, c'est également un danger auquel il faudrait y pallier. Vous verrez maintenant certains schémas en neurochirurgie. En neurochirurgie, les malades post-op, quand ils font un accident de la route, et surtout quand il y a un trauma crânien, il les met sous antiépileptique, il les met sous Gardénal. Comme traitement préventif, pourquoi ? Parce que les études ont montré que souvent, suite à, donc, à des interventions ou à des accidents, même s'il n'y a pas une intervention, eh bien, 6 mois, une année après, beaucoup d'accidentés développent brutalement des crises d'épilepsie. Et automatiquement, beaucoup ont adopté un schéma de couverture, ils les mettent sous antiépileptique pour éviter des accidents brutaux. La physiopathologie. Là, c'est la physiopathologie. Vous savez qu'on a deux systèmes. On a un système excitateur et on a un système inhibiteur. Inhibiteur, vous connaissez. Le système inhibiteur, c'est le GABA, l'acide gamma-amino-butyrique. Et le système excitateur, c'est les aspartates et les glutamates. L'épilepsie, d'accord, c'est quoi ? C'est tout simplement une exagération, une augmentation brutale de quoi ? L'excitation. De l'excitation. C'est que l'excitation, carrément, dépasse l'inhibition. À ce moment-là, on a une hyper-stimulation neuronale qui entraîne une crise d'épilepsie. Si l'équilibre est rompu, eh bien, vous allez voir que c'est comme, je donne toujours le même exemple, parce qu'il est plus simple à retenir, quand on prend chez le diabétique, je parle du diabétique type 2, eh bien, vous constatez qu'il y a des gens qui mangent, qui font un apport exagéré, vous êtes d'accord ? Oui. Qui dépassent carrément les compétences, ou qui dépassent, pas les compétences, je vais dire les compétences de notre organisme, c'est-à-dire qui dépassent l'action de l'insuline. Et automatiquement, on a une augmentation de la... Une hyperglycémie. Mais il y a des gens qui mangent normalement, juste. Mais ils ont une hyperglycémie. C'est dû à quoi ? Insuffisance de l'insuline. Un défaut de sécrétion. De l'insuline. De l'insuline. C'est pas parce que l'apport est exagéré, parce qu'il y a un défaut de l'élément qui a le régulateur. Merci beaucoup. La même chose en crise d'épilepsie, on va voir les deux, sauf que l'excitation se dépasse. Ou parfois l'excitation est normale, c'est juste. Mais le défaut de l'inhibition fait que l'exagération soit importante. C'est comme dans l'exemple, les mots, ils sont plus forts que nous. Mais nous, ils sont pas plus forts que nous. On raisonne dans les deux sens. Donc, c'est pas parce qu'il y a un défaut d'inhibition, il y a une limite. Et vous verrez parfois, certains cas, où il n'y a pas, parce qu'on parlait de congénital, c'est qu'il n'y a pas de GABA. C'est quand pour le diabète type 1, il n'y a pas de sécrétion d'insuline. Parfois, il n'y a pas du GABA. Vous allez voir pourquoi. C'est que la plus petite excitation entraîne une crise d'épilepsie. Une crise d'épilepsie. D'accord ? Une hyperactivité. Ce également, ce schéma, hein, ça va vous donner un peu de dessin animé. D'accord ? C'est carrément pour vous dire à peu près l'équilibre entre les deux systèmes et quand, à quel moment. Donc, je reviens sur l'action pour voir où les médicaments vont agir. C'est que l'entrée du sodium va entraîner donc une libération dans le médiateur qui va entraîner une excitation, mais elle est due également à l'entrée du calcium. Et c'est pour cela que vous allez voir sur les médicaments, eh bien, il y a des médicaments qui agissent sur le voltage sodique et d'autres vont agir sur le voltage calcifique. On a compris le mécanisme pour mettre en place les médicaments. À ce moment-là, donc, l'entrée du calcium va activer les glutamates qui vont se fixer sur leur propre récepteur et de ce fait provoquer. Une réponse, une stimulation. Oui. Notre organisme va réagir autrement par le système du GABA. Les GABA vont se fixer sur ses propres récepteurs, qu'on appelle des récepteurs GABA-ergiques, dopaminergiques, adrénergiques, cholinergiques, donc c'est les récepteurs du GABA, ses propres récepteurs GABA-ergiques, qui va faire vu que le GABA il n'est pas lié ni à l'activité ni calcique ni sodique, mais à l'ion chlore. Ouverture du canal CL-, entrée du chlore à l'intérieur de la cellule, et de ce fait, va provoquer un effet, donc, une diminution ou une inhibition de l'excitabilité. Qu'est-ce qui se passe en cas d'épilepsie ? Eh bien, le système inhibiteur fait défaut, et de ce fait, l'activité excitatrice est exagérée. Donc, en d'autres termes, la physiopathologie dit qu'il y a un équilibre entre deux systèmes. Le système inhibiteur qui est lié au GABA et le GABA est lié au chlore. Le système excitateur qui est donc induit par les glutamates et l'aspartate qui est lui lié soit à l'entrée du sodium ou indirectement du calcium. On est d'accord ? tout déséquilibre, s'il n'y a pas d'équilibre entre ces deux systèmes, automatiquement. Si donc, il y a, même quel que soit, l'équilibre doit être important. Il doit être important. Dans les deux cas, si, sur le plan physiologique, le système inhibiteur fait défaut quand il y a une hyperexcitabilité, c'est le cas de certaines drogues. Certaines drogues, bon, entraînent l'hyperexcitabilité du sujet. Il devient bon. Il y a des hallucinations dans le système d'hypothalamus. Et à défaut, il y a une autre drogue, l'alcool. L'alcool provoque une stimulation du système GABAergique. Et c'est pour cela que le sujet, est, quand il prend, il est atymorbique. Il perd la motricité, il tue ce travail. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inhibition de tous les réflexes de la motricité, etc. Là, donc, sur le plan de cette physiopathologie, on va voir comment les médicaments, puisqu'on avait parlé, si vous avez bien compris, ce mode d'action, pardon. Ce que je voulais vous dire, c'est que, automatiquement, faites attention, quand il y a une hyper-excitabilité, donc, on a une chaîne d'excitation, mais retenez, s'il vous plaît, que sur le plan d'action des médicaments, il y a ceux qui espacent la chaîne, c'est-à-dire le rapprochement des excitations, alors que d'autres médicaments diminuent l'intensité de l'onde, tout simplement. Diminuent l'intensité de l'excitation. Certains médicaments jouent sur l'espacement pour que les électrophiles ne soient pas rapprochés, et d'autres jouent sur l'intensité. Je dirais sur l'intensité, tout simplement, je vais chiffrer pour vous donner une idée, pour que vous compreniez mieux la chose, en supposant que une excitation entraîne, je vais dire, 100 UI, 100 unités internationales. D'accord ? Et si vous avez un inhibiteur qui est disponible à faire que du 80, 100 moins 80, vous aurez toujours plus 20. Donc plus 20 peut déclencher une crise épileptique. Mais si votre inhibiteur fait du 110, vous aurez toujours une inhibition de moins 10. C'est-à-dire que vous avez pu protéger. C'est l'explication que beaucoup de neuropédiatres donnent quand ils expliquent les crises d'épilepsie, pourquoi certains enfants font du 40 de fièvre et ne convulsent pas. Et certains enfants font carrément du 38,7 et ne convulsent. Parce qu'il n'y a pas assez d'inhibiteurs pour contrecarrer la simple excitation qui était peut-être provoqué par une élévation simple de la température. Alors que celui qui avait 40 avait une décharge beaucoup plus importante, mais l'inhibiteur était là pour faire le moins. D'accord ? Vous avez vu un peu que vous avez compris l'image que j'essaie de donner entre contrecarrer à l'intensité et contrecarrer au rapprochement des excitations. Parce que si les excitations, si l'épilepsie se déclenche en chaîne trop rapprochée, eh ben ça va entraîner plus de dégâts et plus de neurones détruits. Et plus les excitations sont rapprochées, plus il focalise sur une zone déterminée. D'accord ? Quels sont donc les antiépileptiques ? Première molécule utilisée étant les bromures. Les bromures, comme on les connaît, sont beaucoup plus des relaxants. Relaxants. Les bromures. Hein ? Non ? Oui, c'est beaucoup plus des relaxants. Généralement, beaucoup de la cité universitaire, vous avez des matières de bromures. Voilà, ça relâche aussi bien beaucoup plus les muscles lisses. Hein, mais également une activité myorelaxante, d'accord, que traiter l'épilepsie. C'est pour éviter beaucoup plus des crises myocloniques. Mais ce n'était pas le traitement de fond. On constate que la première molécule qui a été mise sur le marché, il y a à peu près une centaine d'années, un siècle, d'accord, c'est le phénobarbital, qu'on appelle le Gardénal. Par la suite, il y a eu des chaînes de molécules. Et on constate que c'est à partir de 1900, c'est-à-dire l'entrée du 20e siècle, que les grandes molécules ont commencé à être mises sur le marché. Donc, il y a eu, au départ, les molécules étaient limitées, et puis par la suite, on a établi sur le plan de classification. On s'intéressera dans notre cours beaucoup plus à une classification selon le mode d'action. Selon le mode d'action, en d'autres termes, est-ce qu'il y a des médicaments qui agissent sur le bypass sodique et ou calcique ? Est-ce qu'il agit sur le système inhibiteur GABAergique ou il agit sur le système excitateur ou le système glutaminergique ? Donc c'est ça le plus important qu'il demande à retenir. C'est et ou, l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Il y a selon l'efficacité. Certains ont fait une classification selon l'efficacité. Certains appellent des antiépileptiques majeurs et d'autres mineurs. Pourquoi majeurs et mineurs ? Tout simplement de par le spectre d'action. Certains agissent sur plusieurs cils, d'accord ? Crise myoclonique, atonique et tout. D'autres sont beaucoup plus spécifiques. Ce sont des antiépileptiques qui agissent uniquement sur les absences. D'accord ? Et on les a appelés les antiépileptiques majeurs et les antiépileptiques mineurs. D'autres ont fait une autre classification selon les générations. C'est-à-dire générations quand ils ont été mis sur le marché. Il y a des antiépileptiques qui ont été donc fabriqués avant 1960, d'autres 60-89 et d'autres 19e siècle et d'autres, les autres classes à partir de 2000. Ce qui est étonnant, pourquoi je vous donne cette planche, c'est pas pour dire qu'il y a des antiépileptiques ou les noms, vous n'allez pas apprendre ça, c'est tout simplement que il y a des antiépileptiques classiques. Les classiques, ce sont les anciens, et qui, ce qu'on appelle les premières et deuxième générations, et les nouveaux, c'est la troisième et quatrième génération. Et si vous constatez que vers la fin, on a commencé à fabriquer beaucoup de médicaments, et pourquoi pas avant ? C'est tout simplement pour attirer votre attention, quand les Européens, quand le lobby du médicament, il y a des pathologies qui ne les intéressent pas, ils ne fabriquent pas un médicament. Tout simplement. Maintenant, avec une pathologie dégénérative, avec la vieillesse de la population en Europe, c'est maintenant qu'ils s'intéressent à ces médicaments parce que les médecins prennent de l'ampleur. Et ils n'arrivent pas, surtout avec une dégénérescence, et ils fabriquent une panoplie de médicaments qui mettent sur le marché parce que ça se vend. Et ils ne vont pas faire un médicament sans traitement du paludisme. Ils n'ont pas de paludisme. Ils n'ont pas de soucis. D'abord, on va faire un diagnostic qui a con. Là, on va se concentrer sur ça. C'est là qu'il n'y a pas beaucoup de médicaments. Et maintenant, parce que ce n'était pas une pathologie qui les intéresse, automatiquement, c'est des médicaments qui se vendent. Et chez nous, d'ailleurs, vous verrez très peu de médicaments de quatrième génération qui se vendent en Algérie. C'est beaucoup plus les molécules. On a les médicaments de première et de deuxième génération et quelques médicaments dans les deux premières, deux troisième génération. Le reste, c'est du commercial. Le mécanisme d'action, on revient au mécanisme d'action. On a une transmission GABAergique. Qu'est-ce qu'on a ? On a un déséquilibre, soit par le système GABAergique, soit par le système glutaminergique. Qu'est-ce qu'on fait ? Si on doit, sur le système GABAergique, qu'est-ce qu'il faut lui faire ? Stimuler ou bien stimuler ? Le stimuler. Donc, augmenter le système GABAergique en augmentant la quantité du GABA. C'est-à-dire donner du médicament qui peut augmenter la synthèse du GABA. Il faut augmenter la transmission du GABA. Soit carrément inhiber l'autre. Toujours dans le GABAergique. Ah, d'accord. Je peux donner des médicaments qui vont agir comme indirectement le GABA, c'est-à-dire donner des agonistes GABAergiques. On a parlé des sympathomimétiques directs ou indirects. D'accord ? Soit augmenter la quantité, on peut les appeler les indirects, soit les agonistes, on peut les appeler directs. Maintenant, soit on a un défaut d'inhibiteur, ou là, un excès d'excitateur. L'excès d'excitateur, qu'est-ce qu'il faudrait ? Inhiber. On va diminuer tout simplement l'excitateur. En diminuant, on fait quoi ? Antagoniste. En la quantité, en inhibant la libération du glutamate du système, soit carrément donner quoi ? Antagoniste. Un antagoniste, bloquer les récepteurs glutaminergiques. Voilà, on a compris la physiopathe, voilà les médicaments, comment ils vont agir. Est-ce que c'est clair ? On va résumer. Les mécanismes, les différents mécanismes. D'abord, pour réduire l'un ou l'autre. Si on doit avoir une action sur le système, le canal sodique, le voltage dépendant, c'est-à-dire on va diminuer quoi ? Neuromédiateur. Excitateur. On va résumer donc sur le système excitateur. On inhibe l'entrée du sodium. Donc on diminue le tonus excitateur et de ce fait, on inhibe carrément les bouffées répétitions, c'est-à-dire les fréquences rapprochées. Plus on évite, c'est plus, parce que l'intensité peut être faible, mais le fait que les intensités soient répétées, l'inhibiteur sera dépassé. On est bien d'accord ? Le fait, même si vous vous tenez, en déséquilibre, vous faites ça, mais du moment que vous avez un bouge, quand vous avez un bouge, on est bien d'accord ? Donc le fait que les... Même si les intensités sont faibles, le fait qu'elles soient rapprochées peuvent déclencher. Satisfait, merci beaucoup. Elles peuvent dépasser l'inhibiteur. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut, en inhibant l'entrée, on va espacer les phénomènes ou les réactions en chaîne. On peut carrément jouer sur toujours l'excitateur, l'entrée du calcium. On sait très bien que l'entrée du calcium en présynaptique va entraîner la libération des médiateurs, entre autres les glutamates et l'aspartame. Le fait de bloquer l'entrée du calcium va également diminuer la formation des décharges répétitives. Donc toujours diminuer l'intensité des décharges. Par contre, voilà ce que vous devez noter. Contrairement à l'action voltage sodium dépendant, l'action sur le calcium non seulement va diminuer la formation des décharges, mais elle va réduire le courant, c'est-à-dire l'intensité de la réponse à l'espace, mais elle diminue également l'intensité de la réponse. Une double action. D'accord ? Elle a une action sur la formation répétitive, mais également la diminution de l'onde T. Sur le système GABA-argique maintenant, il y a des médicaments qui agit sur les... Chlore, les récepteurs. Carrément sur le GABA. Oui. Le GABA, donc, carrément, on a des médicaments qui agissent sur... Chlore. Post-synaptique. On peut les appeler les... Directs, merci beaucoup. Ce sont des médicaments qui, eux-mêmes, vont agir, se fixer sur les récepteurs post-synaptiques. On peut également agir, comme dans le système nerveux autonome, sur le métabolisme. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire quoi ? Inhibé. Chlore. Métabolisme. Du chlore. Pas chlore. Très bien. L'enzyme qui dégrade le GABA. On inhibe l'enzyme qui dégrade le GABA. Automatiquement, on va tout faire pour que le GABA reste au niveau. Qui reste au niveau de la fente. On sait très bien comme l'acétylcholine. Elle était inhibée par les cholinestérases et les MAO. Ou plutôt l'adrénaline, pardon. La noradrénaline, qu'est-ce qu'on donnait les inhibiteurs de la NAO pour que la nora existe. Là, pour augmenter la durée du GABA, eh ben on inhibe l'enzyme carrément. L'enzyme est appelée GABA transaminase. On va voir les exemples par la suite. Comment on peut augmenter l'activité GABAergique ? Comment augmenter l'effet du GABA ? On peut augmenter l'effet en donnant des médicaments qui agissent comme le GABA. On peut indirectement faire que le GABA reste plus longtemps. Pour qu'il reste plus longtemps, il y a deux. Soit inhibe l'enzyme, soit... Non, pour qu'il reste. Non. En général. Non. On inhibe son recyclage. Il reste plus. Ça recapture carrément. On augmente ça, on évite sa recapture, sinon on augmente la synthèse du GABA. Il y a des médicaments qui augmentent la synthèse du GABA. Sauf, je reviens, c'est un élément très important, l'augmentation de la synthèse du GABA est sous le commandement d'une enzyme qui est appelée le GAD. Glutamate acide décarboxylase. L'acide gamma-aminobutyrique est synthétisé à partir de l'acide glutamique. Et faites attention au jeu de mots que je vous examine, ce n'est pas les glutamates. L'acide glutamique ou d'eau, la colonne Z, ou les glutamates, Z-gadarant. D'accord ? Les glutamates sont des excitateurs. L'acide glutamique est le précurseur de la synthèse de l'acide gamma-aminobutyrique. L'acide glutamique, quand il est décarboxylé, c'est-à-dire qu'on lui enlève un COH, eh bien il se transforme en gadarant, tout simplement. Et le problème congénital, c'est quoi ? Beaucoup de sujets, d'enfants, ont un déficit en GAD. Le fait qu'il n'y ait pas de GAD ne peut jamais synthétiser. Et la moindre excitation, la plus petite excitation, entraîne des crises d'épilepsie. Voilà l'origine congénitale. On est bien d'accord ? Le glutamate est un neuromédiateur, est un médiateur excitateur. Il se fixe sur ses récepteurs NMDA, qui déclenche l'ouverture des canaux sodiques et l'entrée du calcium. L'acide glutamique est un précurseur. La dopamine est un précurseur de la synthèse de la NORA. L'acide glutamique est un précurseur de la synthèse de l'acide gamma-aminobutyrique. D'accord ? On est bien d'accord ? Non, le glutamate n'est pas convaincant. Est-ce que c'est clair ? Oui. Le glutamate, je l'ai dit. Au lieu d'avoir, comme dans le cas de la NORA, hein, c'est un neuromédiateur, c'est une substance qui permet, quand elle est libérée, se fixe sur ses propres récepteurs et qui va entraîner l'ouverture de canaux sodiques et calciques qui entraînent une excitation. D'accord ? Ça, c'est le glutamate. L'acide glutamique est un précurseur. C'est-à-dire, l'acide glutamique, quand on lui enlève un COH, grâce à glutamique acide, c'est G, glutamique acide décarboxylase. Le fait d'enlever un COH, quand on décarboxyle, on a un COH, à l'acide glutamique, et bien l'acide glutamique se transforme en gamma, en acide gamma-aminobutyrique, qui est un inhibiteur. C'est différent. Agir sur, j'ai dit, le système sodium-voltage dépendant, sur voltage calcique dépendant, en bloquant les entrées des uns et des autres. On peut agir sur le médiateur inhibiteur en soit en agissant comme médiateur, soit en favorisant la quantité du médiateur, c'est-à-dire que le temps de demi-vie du médiateur inhibiteur du neuromédiateur inhibiteur reste plus longtemps, en évitant sa dégradation, en augmentant sa synthèse ou en évitant sa recaptation. D'accord ? Soit en agissant sur quoi ? on augmentait le tonus inhibiteur, sinon on diminuait le tonus excitateur. C'est-à-dire sur la transmission. La transmission inhibiteur en faisant quoi ? Eh bien, soit on a des médicaments qui agissent en tant qu'antagonistes, carrément. Vous vous rappelez des récepteurs ? Ce sont des médicaments qui bloquent des récepteurs NMDA. Quand les glutamates sont libérés, elles vont trouver ces récepteurs bloqués. Si les récepteurs sont bloqués, donc il n'y aura ni ouverture du sodium, pour les ni ouverture des canaux sodiques, ni calcium. D'accord ? Soit carrément, on diminue le flux sodique excitateur, c'est-à-dire en d'autres termes, on peut agir toujours de façon directe ou de façon indirecte. Et vous allez voir à travers. Là, je suis en train, à cette partie, de vous résumer tous les modes d'action pour que la chose soit plus simple pour la replacer. Quel était votre problème ? Comment peut-on inhiber le recyclage ? Comment on inhibe l'enzyme ? Il y a une enzyme, la GABA-transférase, on bloque l'enzyme au lieu que. Qui va par exemple pour la Nora, qui était recyclée en blox. Ça recapture pour qu'elle passe en présynaptique. Elle va rester au niveau d'avant. C'est le même système. On va faire mèche. Vous avez dit, soit on inhibe l'enzyme, soit le recyclage. Non, on inhibe deux enzymes. Soit on inhibe l'enzyme de dégradation du GABA, soit on inhibe l'enzyme de recapture. C'est deux choses différentes. Pardon ? En agissant sur le métabolisme, qui dit métabolisme, vous m'arrêtez s'il vous plaît. Si vous ne comprenez pas, vous allez m'arrêter. Vous ne laissez pas continuer. Soit j'agis, on agit sur le plan thérapeutique, on agit au niveau post-synaptique, sur les récepteurs GABA, c'est-à-dire sur des médicaments qui vont se fixer sur les récepteurs GABA, et en se fixant sur les récepteurs GABA, ils vont faire quoi ? Ouvrir, favoriser l'ouverture du canal CL-. D'accord ? Soit agir sur le métabolisme de deux façons. Soit qu'on évite la dégradation, l'enzyme, c'est la GABA transaminase, d'accord ? Le GABA transaminase, on évite, c'est une enzyme qui existe au niveau de la fente qui dégrade le GABA. En inhibant cette enzyme, le temps de demi-vie du GABA va rester plus lent. Donc l'effet va, l'ouverture des canaux va être beaucoup plus importante. On est bien d'accord ? Soit on augmente la synthèse, cet oxydé. Les inducteurs, on stimule la synthèse du GABA, donc elle va être libérée en quantité plus importante au niveau d'eau. Soit on agit, c'est plus sur le métabolisme, sur la recapture. La recapture, ce n'est pas une enzyme de dégradation, c'est une enzyme de transport. C'est une enzyme de transport. D'accord ? Au lieu que le GABA soit recyclé au niveau de la fente, eh ben, on va inhiber cette enzyme qui va le prendre de la fente pour le faire passer en pré-synaptique. Donc, la quantité du GABA va rester plus longtemps. On en a parlé dans le système nerveux autonome, non ? Pour la NORA. On inhibe la recapture de la NORA. Et je vous ai dit la différence qu'il y a entre le système adrénergique. Vous avez un problème ? Soit, j'ai dit, pour le système adrénergique, le médiateur, les catécholamines sont non seulement dégradées par le système COM et MAO, soit recapturées. Contrairement au système cholinergique, il n'y a pas de recapture. Il y a une hydrolyse par les cholinestérases. On avait dit ça. Dans le système GABAergique, c'est le même système. Il fonctionne pour avoir l'équilibre. Le GABA, quand il y a une excitation, quand le GABA régule l'excitation pour que ça soit pour neutraliser, soit donc il y a une décharge, quand il y en a en plus, il y a l'enzyme qui le dégrade, soit que le GABA est recapturé. On est bien d'accord sur le système physiologique. Maintenant, il y a des médicaments, comme dans ce cas, qui non seulement inhibent l'enzyme de dégradation, mais inhibent la recapture. L'alcool, les gens qui sont alcooliques, eh bien, l'éthanol inhibe la recapture du GABA. Et c'est pour cela qu'il y a une stimulation du système GABA-agonique, c'est-à-dire du système, pas excitateur, mais du système inhibiteur. Est-ce que c'est clair? Pour le système excitateur, eh bien, tout simplement, puisqu'on a une stimulation, on donne des antagonistes du système, soit carrément on donne des médicaments qui permettent de garder, de diminuer l'afflux du sodium. D'accord? Faites attention, je n'ai pas dit que ce sont donc un système qui agit sur le voltage sodique. Il ne bloque pas. Il diminue. Il diminue l'entrée sodique. Dans le premier cas, ce sont des médicaments qui bloquent le système, qui bloquent la pompe complètement. Là, ils diminuent l'entrée. Ils rétrécissent l'entrée du sodium à l'intérieur de la cellule, mais ils ne bloquent pas carrément la pompe. Dans les premiers exemples, ce sont des médicaments qui bloquent carrément le voltage sodium dépendant. Ils bloquent le voltage calcique dépendant. Là, ils bloquent les pompes. Le mécanisme commun, quelles sont les particularités, toujours en généralité, de ces médicaments? Ce sont des médicaments qui sont peu solubles. Peu solubles, mais qui ont une très bonne résorption. Merci de l'avoir dit, mais je n'ai pas dit qu'ils étaient hydrosolubles. Voilà, parce que la question m'a été posée également. Je n'ai pas dit qu'ils étaient hydro. Ils étaient peu solubles, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir de dissolution faible, tout simplement. Je n'ai jamais dit qu'ils étaient. Ce n'est pas une notion de solubilité, de lipo ou de l'hydro. Par contre, ils ont une bonne absorption. Le pouvoir de dissolution de ces médicaments, parce que ce sont des médicaments généralement donnés par voie orale, ils ont un pouvoir de dissolution qui est là. Deuxième particularité, qui est très importante, ils sont à forte liaison protéique. Qui dit pour vous, on prend les généralités, on les calque. Médicaments dorénavant, entre les médicaments, médicaments à forte liaison. Pourquoi c'est tac, c'est quoi? Non. Il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est pas une chose. Non. La biodisponibilité. Non. Non. Ah, merci beaucoup, les interactions. Parce que dans le traitement de l'épilepsie, vous verrez très rarement de la monothérapie. Il y a toujours des pathologies associées. Et qui dit médicament à forte liaison, vous aurez toujours un problème d'interaction. Et je l'ai dit, redit, et je le redis encore, parce que je vous dis le mot. La fraction lourde, c'est une chose, mais tout médicament à forte liaison vous posera des problèmes d'interaction. La marge thérapeutique est étroite. Donc, les posologies doivent être faibles. Ne jamais donner ces médicaments en dose de charge. Vous les donnez toujours à faible dose et graduellement. L'élimination, elle est surtout hépatique, d'accord? Et parfois, on a des métabolites actifs. Si on a des métabolites actifs, la posologie encore doit être plus faible. Parce que vous avez l'effet de la molécule mère, des métabolites. J'ai dit métabolite actif et non métabolite réactif. Il y a une différence. Donc l'objectif, différence. Actif et réactif. On va voir un exemple. L'objectif. C'est rien. Si j'insiste pas sur certaines choses, j'ai dit quand j'insiste sur certains éléments, d'accord, si je passe, vous allez voir que sur le plan d'élimination, les anti-épileptiques ne posent pas beaucoup de problèmes parce qu'ils sont éliminés par voie rénale en majorité et très peu par voie biliaire. Et quand ils sont éliminés par voie biliaire, ça sous-entend Non. Très bien, cycle entéro-hépatique. Voilà les mots-clés que je cherche. Cycle entéro-hépatique. D'accord ? Ça, c'est ce que t'as. Parce que qui dit cycle entéro-hépatique, faites attention, vous allez voir un autre mot, certains médicaments sont hépatotoxiques. Alors, ça va revenir. Là est lié à l'autre. Je ne vais pas parler des objectifs, pardon. Je ne vais pas parler parce qu'on va les voir. L'objectif primaire, le traitement est symptomatique et préventif. Ce n'est pas un traitement curatif. Enfin, deuxièmement, le traitement dans l'épilepsie se fait toujours en mono. Commencez toujours en monothérapie, jamais en association. Jamais en association pour la simple raison. Pourquoi ? Interaction. Parce qu'ils ont un risque d'interaction et parce que... Toxique. La marche, elle est étroite. Les deux éléments à cocher à ne jamais oublier. Si la monothérapie est une exigence, parce que... La majorité sont liste A, où là la marge est étroite, et parce qu'ils sont en forte liaison, donc il y a un risque d'interaction. Qui voulait poser une question tout à l'heure ? Pardon, il n'y a pas un risque ? Des fausses routes ? Pourquoi ? هي بالك راح بالها باللي بوندون لا كريس هي بصح راح بالها dans le cours, j'ai dit que la monothérapie dans la question n'est pas une exigence. Si je trouve exigence et vous la cochez, c'est que vous n'avez rien compris. Elle ne peut pas recommander pour des raisons. Il est souhaitable. Il est recommandé. Préférable. Donc, mais parfois, il y a des exigences. Là, ça, c'est les particularités. On ne va pas focaliser sur les particularités. Et on oublie les généralités. Là, on entre dans les généralités. On ne parle pas du cas sur un million. Il est souhaitable, il est recommandable de faire une monothérapie du fait que cette classe pose des problèmes d'interaction et de marge thérapeutique qui peuvent entraîner plus d'effets secondaires où le rapport bénéfice-risque va poser un problème. Première molécule de première génération, les antiépileptiques, je l'ai cité, c'est le phénobarbital, qu'on appelle Gardénal. Le Gardénal, qu'est-ce que vous êtes censé retenir ? Vous avez cette flèche. Si vous lisez pour la première fois ce cours, vous le lisez, qu'est-ce que vous allez retenir pour vous, en tant qu'étudiant ? Qu'est-ce qui est important à retenir ? temps de demi-vie. Hein? Le temps de demi-vie. Pardon? Non, non, il y a de la planche. Ah, d'accord. Ah. Il fait inducteur enzymatique. L'effet inducteur. Rappelez-moi la phrase. Effet inducteur enzymatique. Très bien, un effet inducteur enzymatique. C'est quoi un inducteur enzymatique? Je le sais. Bonsoir. C'est quoi un inducteur enzymatique? Il induit les enzymes. Un médicament dans un traitement, voilà, dans une molécule, si vous lisez qu'un médicament est inducteur, quelles sont les précautions? Qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont les choses sur lesquelles vous devez faire attention? La dose. Je ne demande pas quelle est la définition d'un inducteur, c'est sûr. Hein? Le métabolite. La métabolite, est-ce qu'il a un métabolite actif? Non. Il n'y a pas. Donc le métabolite du cardénal est inactif. Hein? Radak, on parle de thérapeutique. Surcharge. Hein? Est-ce qu'il peut y avoir une surcharge? Non. Non. La vitesse de dégradation est rapide. Donc automatiquement, il va augmenter la vitesse de dégradation de quoi? De tout ce qu'il y a avec, mais également son propre métabolisme. Il se dégrade. Vous pensez que vous avez une molécule qui est inductrice? Elle va dégrader les autres ou les enzymes? Rien que moi. Merci. Ça n'existe pas. Automatiquement, il dégrade. Donc, la vitesse de dégradation, elle est touchée. Donc, le médicament, là, sa dose va, sa concentration, sa forme libre, sa forme active va diminuer. Et de surplus, il y a un autre élément qui va vous poser un problème avec cette molécule. C'est-à-dire, oui, le temps de demi-vie est long, comme vous l'avez su. Par quelle phrase? Le délai d'action est long. Pourquoi? Les autres éléments, vous les avez déjà vus. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, c'est une molécule qui a un temps de demi-vie cinétique régulière, c'est rien du tout. Mais ce qui est important, si son temps de demi-vie est long, donc ce n'est pas un médicament qui doit être donné dans l'urgence. Ce n'est pas une molécule d'urgence. Et il faut attendre un délai. Et de surplus, c'est un médicament qui est rapidement dégradé. Donc son effet va être plus long à s'établir. Son temps de demi-vie, son délai d'action est lent. Pourquoi? Parce que son temps de demi-vie, parce qu'on a toujours dit dans la pharmacogénérale, il faut attendre 5 à 7 ans. Si son temps de demi-vie était de 2 heures, c'est pas en 10 heures qu'on va dire long. Cela sous-entend que son temps de demi-vie est très long. Et pour le gardénal, pour juger l'efficacité du gardénal, il faut attendre un mois. Un mois. Et de surplus, il a un inducteur, il va s'autodégrader. Donc la concentration plasmatique, pour qu'elle soit atteinte, elle va mettre du temps. Elle va mettre du temps. Et pourtant, je vais me contredire, si je vous êtes d'accord avec moi jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Qui n'est pas d'accord? Et sur quel point? Un inducteur enzymatique est une molécule, par définition, qui augmente la vitesse de dégradation. Mais elle augmente la vitesse de c'est une sécrétion. Les enzymes de dégradation. Mais qui vont faire quoi? Qui vont dégrader tout ce qui est à côté. Mais il y aura le gardénal. Ils vont dégrader également. Ça ne veut pas dire que le gardénal va fabriquer une enzyme pour leur dire « Aïe, accélérons le joint. » Oui, il y a de la phage. Ça n'existe pas. C'est une sécrétion d'enzymes qui vont dégrader tout ce qu'il y a. Aussi bien les molécules endogènes, et vous allez voir le problème, que les molécules exogènes. Donc automatiquement, puisque le gardénal, vous allez avoir une concentration plasmatique qui va être dégradée. Imaginez que vous avez, j'inverse le rôle, et je vous dis que le gardénal est un inhibiteur enzymatique. Si c'est un inhibiteur enzymatique. Il n'y aura pas d'effet. Il inhibe les enzymes. Et alors ? Donc, il n'y aura pas son métabolisme. Les enzymes, c'est un inhibiteur. Je parle du médicament lui-même. Il n'y aura pas de dégradation. Donc, qu'est-ce que sa concentration plasmatique va augmenter. Elle va augmenter. Elle va rester plus longtemps par rapport à une même molécule qui est inductrice enzymatique. Un inducteur, sur le plan de concentration plasmatique, a une molécule qui est ni inductrice ni inhibitrice. Il n'y a pas de problème. Mais pour une molécule qui est inductrice d'enzymes, en augmentant la quantité d'enzymes, on augmente la vitesse de dégradation et elle dégrade tout ce qu'il y a, même le cardinal. Il y a une autodégradation par rapport à une molécule qui est inhibitrice enzymatique, donc elle va ralentir la vitesse de métabolisation des autres molécules, mais sa propre également dégradation pour un inhibiteur. Son effet va l'effet va plus vite. Pour rappel, quand vous commencez, si la concentration plasmatique diminue par auto-induction, pour atteindre l'état, si la molécule, on va sauter à deux images, si la molécule n'était pas inductrice enzymatique et qu'elle a 5 à 7 temps de demi, et que vous avez la molécule B qui a le même temps de demi, d'accord, le même temps de demi, mais qui est inductrice enzymatique, la concentration, d'accord, celle qui va être atteinte plus rapidement, celle qui est inductrice ou non inductrice ? Non inductrice. Tout simplement. Parce qu'elle va. Pour atteindre la concentration maximum, elle prend plus de temps. Parce qu'elle est inductrice. Par rapport à une molécule qui a un temps de demi-vie aussi long, mais qui n'est pas inductrice. Parce qu'il faut un délai. L'autre, le délai, les concentrations vont être plus courtes par rapport à celle qui n'est pas. On parle des C. Vous vous rappelez du schéma ? Les Cmax. D'accord ? Celle qui n'est pas inductrice aura un Cmax plus élevé par rapport à une molécule qui est inductrice, qui aura un Cmax plus bas, parce que la dégradation sera plus rapide. Oui ? Monsieur le Monsieur le si il est calculé, pour vous donner un exemple, si grossier avec la même molécule. Mais le problème se pose quand vous avez une molécule inductrice en présence d'autres molécules. Mais ça sous-entend que vous avez une molécule inductrice dégrade les autres molécules, mais également sa propre dégradation. Et le fait que la molécule soit inductrice, je vais revenir à la page suivante. Et le fait que le délai d'action soit plus lent. Pose des problèmes de traitement. Le pléonasme, que je voulais vous dire, c'est une molécule de référence. Le gardien, c'est une molécule de référence. Si je vous dis que c'est une molécule qui a un délai d'action lent et qui est inductrice, je me dis comment elle peut être une molécule de référence. Normalement, on cherchait une molécule qui a une action plus rapide. D'accord. Mais la référence dans ce cas-là, c'est plutôt l'efficacité. Sur le plan de mode d'action. Je vais revenir. Je voulais attirer votre attention sur ça. Le GABA, le gardénol, a une action essentiellement sur le système GABA-ERGIC. Il agit sur les ions Cl-. Il agit comment ? Pourquoi c'est une molécule de référence ? Parce que c'est un GABA agoniste. C'est-à-dire qu'il permet, quand il se fixe sur le récepteur GABA, il peut provoquer l'ouverture des canaux, ou des canaux Cl-. Il prolonge, je vous ai dit tout à l'heure, il diminuait, certains médicaments diminuaient l'ouverture des canaux sodiques. Le gardénal permet l'ouverture. Il fait une résistance à la fermeture au canal Cl-. C'est-à-dire que le canal Cl- reste ouvert plus longtemps pour qu'il y ait l'afflux des ions Cl-. Il réduit, de l'autre côté, en présynaptique, il réduit l'influx du canal 4-6. Si vous prenez les premiers, qu'est-ce qu'on peut dire sur le mode d'action ? On peut changer les questions et les réponses. Qu'est-ce qu'on va dire ? Il a une action directe. Il a une action sur l'inhibiteur. Il augmente l'effet de l'inhibiteur. On est bien d'accord. En faisant quoi? L'ouverture est agoniste. Mais il a une autre action. C'est très bien. Il a une action en diminuant le tonus excitateur. Parce qu'il réduit l'influx calcique. En inhibant l'influx calcique, il inhibe l'action des glutamates. Et de surplus, il a une autre action. C'est un antagoniste. Rappelez-vous des antagonistes compétitifs, d'une molécule qu'on appelle la picrotoxine. La picrotoxine est synthétisée lors d'infections. Tous les sites, pour toutes les pathologies infectieuses, il y a une molécule qui est sécrétée qu'on appelle la picrotoxine. Et la picrotoxine favorise l'ouverture des ions, l'ouverture du canal sodique, provoquant des crises d'épilepsie suite à l'hyperthermie, aux fièvres. Que fait le GABA? Le GABA bloque les récepteurs de la picrotoxine. Qui dit la picrotoxine, elle trouve ses récepteurs occupés. Donc, il n'y a pas d'effet de la picrotoxine, il n'y a pas de risque convulsif. Donc, c'est pour cela que c'est une molécule de référence. Elle a une action sur le système inhibiteur, elle a une action sur le système excitateur, et elle a également un effet antagoniste contre des molécules endogènes. C'est pour cela que c'est une molécule de référence. Malgré la lenteur de l'effet de la réponse, c'est son efficacité qui a rendu cette molécule comme étant une molécule de référence. Est-ce que c'est clair? Oui. Un peu chouïa. Les effets secondaires. Les effets secondaires de cette molécule, c'est une sédation, comme beaucoup de médicaments, comme tous les médicaments qui favorisent le système inhibiteur. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous faites ça. C'est clair? Le système inhibiteur, un calmant, c'est une sédation. C'est pour cela que généralement, les enfants ou les adultes qui sont sous garde vénale souffrent d'une somnolence diurne. Et c'est pour cela qu'elle est déconseillée chez les enfants, scolarisés, chez les machinistes, chez d'autres conducteurs, etc., etc., parce qu'elle entraîne une somnolence et ça diminue le pouvoir de concentration. Elle a donc entraîné des problèmes de concentration psychoéducatifs chez les enfants. En France, les enfants épileptiques sont mis dans une classe à part. Là, généralement, on a un gros problème en Algérie. Maïd Krash, Hachak Mohamed, Khaldeh, et on le délaisse. Ça, c'est un gros problème. Donc, déjà, qu'il y a un problème interne de pathologie, parce que souvent, ce sont des enfants qui peuvent faire des crises d'épilepsie en classe, dans la cour, et si ils ne sont pas aidés sur le plan éducatif, ce sont des enfants qui sont carrément marginalisés. Et ça, c'est un problème. Ce sont des médicaments qui entraînent tolérance et dépendance. Tableau B. Zéro. Merci d'avoir dit, et ça, je sais que vous n'allez jamais l'oublier. Les antiépileptiques, ce n'est pas parce qu'ils entraînent tolérance et dépendance que sont les médicaments de tableau B. La tolérance et la dépendance, je vais expliquer pourquoi. Ce sont des médicaments qui entraînent des syndromes articulaires tardifs, beaucoup plus chez l'enfant. Ils entraînent une anémie mégaloplastique et une carence en vitamine D. Les deux derniers points sont liés. Ils sont dus à quoi? Pourquoi cette carence en folate et en vitamine D? Et pourquoi ces syndromes articulaires tardifs? Système enzymatique. Hein? Système enzymatique. Si? Système à cause du système enzymatique. C'est-à-dire exagération de l'activité du système enzymatique. C'est-à-dire, rappelez le mot. Très bien. C'est un inducteur enzymatique. Oui. Voilà, c'est un inducteur enzymatique et de ce fait, il va dégrader aussi bien les molécules endogènes que les molécules autogènes. Et quand on a des enfants épileptiques sous garde vénale, vous êtes obligé de mettre du folate et de vitamine. Parce qu'il perturbe tout le métabolisme, même donc on a des ostéoporoses. Il est indispensable de les mettre en traitement préventif au du fait que le cardinal est un inducteur enzymatique. Je parle surtout chez l'enfant. L'adulte, il a terminé sa croissance, ça passe pas de problème. Chez l'enfant, c'est un gros problème. Monsieur, donc la monothérapie qui est recommandée, ben, est impossible. Pardon ? Donc la monothérapie qui est recommandée est impossible. Votre camarade reprend la question qu'a dit vos camarades. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas entendu. D'accord ? Oui, vous avez dit... Suitable. Non, j'ai dit la monothérapie dans la même classe thérapeutique. Ah, d'accord. Dans la même classe thérapeutique. Pas dans tout. Voilà. Vous pouvez avoir un épileptique qui a une infection, vous lui donnez des antibiotiques, des anti-inflammatoires ou la décorticoïde, mais le fait, il est préférable de lui donner un, commencez par un anti-épileptique. Voilà ce que c'est la mono, dorénavant. Quand on parle de monothérapie, c'est la monothérapie en antibiothérapie. Dans le traitement de l'HTA, dans le traitement de la goutte et autres, la monothérapie sous-entend dans la même classe thérapeutique. La primidone, je ne dirais rien du tout dessus, c'est une molécule qui a le même effet, d'accord, que le gardénal. Sauf, elle n'est pas inductrice enzymatique. Sauf. La phénytoïne, un autre antipyrétique de première génération. Qu'est-ce que vous allez retenir comme mot-clé? Tout ce qu'il y a sur le tableau, c'est un inducteur aussi. Zid. Il y a deux choses, deux mots à retenir dans ce tableau. Oui, il a un métabolite inactif, c'est un inducteur. Le temps de demi-vie, il n'y a pas de problème. Distribution. On avait dit que le métabolisme est inactif, ça ne pose pas de problème de posologie. Le temps de demi-vie est court, ce n'est pas un problème. L'inducteur est un problème. Qu'est-ce qui est problématique ? Très bien, forte liaison aux protéines. Donc, c'est un médicament également qui présente un risque d'interaction médicamenteuse. 90% de liaison. La phénytoïne a une action sur le système voltage sodium dépendant. C'est toujours encadré. On est toujours dans le système sodium voltage dépendant. Sauf pour le gardénal et pour la phénytoïne, l'action est différente. Là, la différence, c'est que ce sont des médicaments qui n'ont pas une action sur le système inhibiteur, on va dire de façon générale, merci, et sur le système excitateur direct. Il n'y a pas une action ni sur le glutamate, ni sur les récepteurs glutaminergiques. Je n'ai pas le droit de cocher. Et il n'a pas une action sur le système GABA agit. Il agit sur le système voltage sodium dépendant. Oui. Quand j'ai fait l'introduction, j'ai dit qu'il y a quatre mécanismes. Soit que ce sont des médicaments qui agissent sur le voltage, sur la pompe. Sodium. Soit ce sont des médicaments qui agissent sur la pompe calcique. Soit c'est des médicaments qui agissent carrément sur l'inhibiteur. C'est-à-dire que le système GABA agit soit en augmentant sa libération, soit en évitant sa dégradation, soit en évitant son recyclage sur le système. Troisième. Quatrièmement, j'ai dit qu'il y a des médicaments qui agissent sur le système excitateur. Soit en tant qu'antagoniste du système, en bloquant les récepteurs excitateurs. Quand je mets qu'un médicament diminue l'excitation par blocage, cela si tu nous entends, qui n'agit pas sur les pompes. C'est clair. Quand j'ai parlé du GABA, du gardénal, le gardénal, on m'avait dit qu'il agissait sur quoi? Est-ce que j'ai dit sur le voltage sodium? Non. Donc j'ai dit beaucoup plus calcium, merci, sur le chlore, c'est-à-dire sur le système inhibiteur, d'accord? Post-synaptique, entend, non? Essentiellement sur le système inhibiteur, GABA agit. Et sur le système indirect, etc. Voilà ce que je vous demande de retenir. Est-ce que c'est compliqué? Non. Oui. C'est clair? راح بيش قاعدين نرش عليكم ولا ما ضبطوش او راح سي بون سي بون ها روح السلام عليكم Je vais vous dire, je vais vous dire.